presse le pas devant leurs mains tendues. On les fuit comme la peste et on quitte le navire. Alors on se promène rebu d'avoir laissé les restes en échange d'un empire, en échange du pire. Moi c'est là où je vais, et surtout ne me suis pas. Je ne donne, s'il me plaît, qu'un sourire à chaque fois. On s'essouffle de toujours crier, de toujours pleurer, pour des causes perdues, pour des ramages troublants. Alors on laisse tomber tous ces anges déchus, tous ces rêves allongés au dernier de nos rangs. Moi c'est là où je vais, et surtout ne me suis pas. Je ne donne, s'il me plaît, qu'un sourire à chaque fois. Et je traîne mes soupirs au détour d'une belle histoire, sans scrupule, sans désir, sans déformer le miroir. Au retour de l'aube, j'ai croisé le diable, bien apprêté, toujours bien aimable. Il me dit, viens à moi. Je dis non, pas cette fois. Moi c'est là où je vais, et surtout ne me suis pas. Je ne donne, s'il me plaît, qu'un sourire à chaque fois. Presse le pas devant leurs mains perdues, on se perd avec eux, car tel est notre souhait, car tel est notre souhait. Moi c'est là où je vais, et surtout ne me suis pas. Je ne donne, s'il me plaît, qu'un sourire à chaque fois. Oui c'est là où je vais, et surtout ne me suis pas. Je ne donne, s'il me plaît, qu'un sourire à chaque fois. Un sourire à chaque fois. Un sourire à chaque fois.